Internaphone, nouvelle communicative, par Shmuel Retby. Internaphone, nouvelle communicative, avant-propos. Il s'agit d'ailleurs plus d'un avertissement que d'un avant-propos. Cette nouvelle, absolument véritable, expose des faits purement, totalement, globalement véridiques. La preuve, c'est qu'elle le dit elle-même. J'ai pour principe de ne jamais mentir, jamais. On m'a même coupé la gorge 7 fois parce que je refusais de le faire. C'est vous dire. En quoi consiste l'avertissement ? Bonne question. L'avertissement porte sur le sous-titre de cette histoire, « Nouvelle communicative ». En fait, je pensais accoler au titre le libellé « Au voleur » qui reflète davantage la nature des événements racontés ici. Mais en voilà assez pour un prélude qui ne fait qu'annoncer l'entrée en matière. Ainsi parlait Bruno Louvan, maire de Jouy-en-Josas, qui cherchait à se faire réélire pour la 4e fois. Comme les temps ont changé, mesdames et messieurs, il y a encore 100 ans, si nous voulions savoir où se trouvait notre épouse ou notre époux, nous devions attendre la lettre révélatrice. Si la missive n'arrivait pas, nous ne pouvions savoir si elle ou il vivait encore et manigançait à nouveau contre nous quelque machination machiavélique. Il y a 20aine d'années, la femme d'un de mes amis l'appelait sur son portable flambant neuf et lui demandait « Où es-tu, Louis ?» Je faisais remarquer à ce mari persécuté, « Vois-tu, Louis, cette question qu'on vient de te poser, personne ne l'avait jamais posée dans le passé. » Et Louis, de me corriger, « Tu te trompes, c'est la plus vieille question de l'histoire humaine. Et Dieu dit à l'homme, où es-tu ?» De là, mesdames et messieurs, vous comprendrez que mon ami Louis, malgré son sens de l'humour et de la répartie, a totalement perdu son indépendance. Si vous voulez perdre la vôtre, eh bien, votez pour mon adversaire, qui vous promet d'améliorer le réseau cellulaire de la commune. Si vous voulez continuer à vous abrutir, votez contre Louvan. Je vous y invite. » Il arriva que mesdames et messieurs suivirent à la lettre le bon conseil d'ex-monsieur le maire, et que ce dernier se retrouva au chômage 2 semaines plus tard. Chapitre 1. Un paisible retraité. La femme de Bruno Louvan ne l'appelait jamais sur son portable. Elle l'avait quitté 2 ans plus tôt et avait manœuvré de telle façon qu'il ne devait plus jamais recevoir d'appel des enfants ni des petits-enfants. Bruno Louvan décida donc de se retirer dans sa petite tour d'ivoire personnelle. La dite tour consistait en une maisonnette au bout de la bourgade, y compris un petit jardin qui occupait l'essentiel de l'activité de l'ancien maire. Ce vénérable personnage de 62 ans passait 2 matinées par semaine au café du Globe et parlait du passé et de l'avenir avec 2 ou 3 copains. Il avait eu beaucoup de chance le jour où son abonnement à la loterie nationale lui avait rapporté la bagatelle de 400 000 €. Il avait eu la grande sagesse de n'en souffler mot à personne. Il veillait sur son magot sans même se demander à quoi il pourrait l'employer. Le sujet n'avait pour lui aucun intérêt et l'argent dormait, attendant sans doute de se métamorphoser en héritage. Notre héros avait lu et vu tant d'articles et de commentaires traitant de personnes à qui la fortune avait souri avant de leur cracher au visage. Comme bien d'autres, il avait remarqué que la richesse vous attire beaucoup d'amis et d'ennemis, les uns vous suppliant de les aider, les autres épiant le moment de votre chute. Aussi Bruno Louvan n'avait-il rien changé à ses petites habitudes, et tenait-il son nez toujours à la même hauteur, entre ciel et terre. Cependant, le cerveau de ce haut personnage déchu fonctionnait à plein régime. Il sentait que quelque chose le gênait, mais il n'arrivait jamais à mettre le doigt dessus. De temps en temps, il se sentait secoué d'un léger frémissement ou d'un petit tic nerveux qu'il attacha bientôt à un sentiment passager de mécontentement. Il n'aurait su dire ce qui le chiffonnait comme ça 3 ou 4 fois par jour. C'était une impression désagréable et fugitive qui disparaissait comme elle arrivait. Elle ne semblait pas liée à l'alimentation, au sommeil, à la conversation au café, au comportement barbare des conducteurs, ni même aux délicats problèmes géopolitiques mis en lumière par les infos. Non, il s'agissait de quelque chose de plus général, de plus fondamental, de global presque. Peut-être la baisse du pourcentage de l'oxygène dans l'air qu'il respirait, la qualité de l'eau qu'il buvait, la pollution, la matière plastique. Non, tout cela ne lui apportait certes pas une grande satisfaction, mais il ne voyait pas là des sujets notables de contrariété. De même, la gestion de la ville sans sa direction ne le dérangeait pas outre mesure. Il y avait autre chose. Il se décida à en chercher la nature avec la plus grande attention. Après le petit déjeuner en tête-à-tête avec soi-même, Bruno Louvent s'installait devant son ordinateur, lisait les principaux articles politiques et économiques et s'adonnait à la compulsation des blogs personnels de toutes sortes de gens mécontents du système ou de leurs contemporains. Chapitre 2. Un éclair dans les ténèbres. Ce fut le hasard qui révéla à Bruno Louvent la cause réelle de ces mouvements d'humeur involontaires et incompréhensibles. Un commentaire d'un lecteur de l'Écho de Belgique attira son attention. « J'ai foutu mon Macintosh à la poubelle, figurez-vous. Pourquoi ? Au prix où ça coûte ? À cause du brevet qu'ils ont traficoté il y a quelques années. Je me demande comment une organisation internationale sérieuse a pu valider une idée aussi lamentable que celle de M. Steve Jobs. Intégrer de la pub dans le circuit imprimé de l'ordi, de façon à ce que l'écran la diffuse une fois sur un cycle de 60 Hz. Et nous, comme des animaux, on regarde un petit canard, notre poule en maillot de bain, Monsieur le Roi et Madame en Rolls. Et on s'aperçoit même pas que Coca-Cola et McDonald's nous tapent sur le système 6 fois par minute, 3600 par heure. Alors, moi, j'ai balancé mon Macintosh et je vous invite à faire pareil avec votre smartphone. Ils sont tous carousels, bon sang. » Un long frémissement secoua les épaules de Bruno Louvent. Le même, sans doute, que celui qui agita Newton le jour où il découvrit l'existence d'une pomme pourrie tombant de l'arbre. Une sorte d'eureka cosmique, hein, et pourtant elle tourne, universelle. Louvent cliqua sur un blog parisien qui décrivait les phases historiques qui avaient provoqué chez lui aussi cette impression de malaise passager. D'abord, on vous donne un produit et, si vous voulez, vous en parlez. Ensuite, on vous invite à un buffet où on vous donne le produit gratuitement. Comment pouvez-vous, maintenant, ne pas en parler? Enfin, on vous paie pour vanter les mérites du produit dans votre blog personnel. Et vous êtes pris au piège. » Bruno Louvent sentit une paix profonde le gagner. Enfin, il commençait à saisir la raison profonde de son mécontentement latent. La chose demeurait un peu floue dans son esprit, mais les grandes lignes apparaissaient de façon relativement claire. Soudain, il se souvint des raisons véritables de son échec aux dernières élections. « Si vous voulez vous abrutir, eh bien, votez pour mon adversaire !» Là blessait le bas. Là résidait la source de tous ces tourments, passés et présents. Il s'agissait bien de l'abrutissement global, origine des ténèbres intellectuelles qui vous envahissent et vous font sombrer dans l'abîme du quotidien lamentable. En furetant de gauche et de droite sur l'Internet, il pensa trouver le remède à son mal. Un organisme public avait pour objectif la paix des ménages. Le moyen de l'atteindre passait par l'inscription à une liste d'opposition au démarchage électronique. Le site Bloctel invitait tous les mécontents à s'unir contre l'envahisseur virtuel qui les tourmentait. Louvan, comme bien d'autres, s'inscrivit. Il remplit toutes les données que Bloctel lui demandait de lui fournir et lui communiqua en outre les deux numéros de téléphone qu'il souhaitait sauver de la tourmente. Mais alors qu'il pensait avoir gagné le droit au silence, il s'aperçut bien vite que le système fonctionnait de travers. Un jour de pluie, il reçut 7 appels et 8 textos l'engageant à acheter un parapluie électronique qui s'ouvrait automatiquement à la première goutte de pluie et se refermait de même une fois l'averse passée. La coupe était pleine, c'était le cas de le dire. Bruno Louvan appela les représentants de Bloctel. On prit bonne note de sa plainte et on lui demanda de fournir le numéro de téléphone qui le harassait. Sa colère explosa. « Mais puisque je vous dis que c'est un numéro masqué, comment voulez-vous que je vous le donne ?»« En ce cas, nous sommes désolés, nous ne pouvons rien faire pour vous. » Ainsi donc, le mécanisme officiel, chargé de protéger les honnêtes gens contre les attaques de la pieuvre invisible, faisait lui aussi partie de la conjuration. Quelle horreur ! Quel scandale ! L'abomination de la diffamation ! L'avilissement de la civilisation. Le calme ne revint dans la tête de notre homme que le lendemain matin, avec le soleil. L'ancien maire se rappela l'affirmation d'Einstein. Il y a 2 choses infinies, la taille de l'univers et la bêtise humaine. Et pour la première, je n'en suis pas totalement convaincu. Chapitre 3. Circonspection et circonscription. La lumière avait jailli et dévoilé un pan de la vérité. Mais cela ne suffisait pas. L'ennemi avait des points d'attache, partout. Il tenait toutes les cartes en main. Mais il demeurait encore dans l'ombre, impalpable et insaisissable. Il fallait préciser les contours, affiner le détail, améliorer la résolution et se fixer sur la raison profonde de l'abrutissement collectif. Si Louvan avait perdu sa circonscription, il s'efforçait cependant de circonscrire le sujet de son amertume chronique. Ses réflexions furent interrompues par un vibrement furtif du smartphone. Instinctivement, Bruno Louvan contempla la zone de notification de l'appareil. « Besoin d'un prêt instantané de 2 000 euros ? Clique ici. » Le possesseur de 400 000 euros dédaigna la proposition et retourna à son ordinateur. Mais un nouveau frisson du démoniaque engin attira à nouveau son attention. « Marcel, la bricole, va t'arranger ça. Clique, ici. » Bruno Louvan sentit le petit frémissement bien connu qui l'agita un moment. Maintenant, tout devenait clair dans son esprit. Un 3e appel du Black Droid, Berryphone, Wismart. Appelez-le comme vous voulez, chassa un moment la vision de son esprit. Il est cassé ? Je vous le répare. Cliquez, là. Monsieur l'ex-maire se leva, enfila son imperméable et sortit. L'heure était venue de la parlotte et de la belote, avec ses amis du Café du Globe. Ce jour-là, le notable fut moins loquace que de coutume. Il préféra écouter. Ses 2 amis discutaient des réseaux sociaux. Ma pauvre gamine, ils l'ont démolie. Elle a eu la bêtise de raconter à tout le monde qu'elle avait changé de dentifrice cette semaine. Ils lui sont tous tombés dessus en ricanant, comme des bossus. Vous avez pas vu ses dents ? On dirait une jument centenaire. Et puis, pourvu qu'elle soit blanche, la pâte, parce que le jaune, ça lui va pas. Toutes sortes de trucs comme ça. Ma femme ne sait plus à quel saint se vouer. La petite est couchée depuis 3 jours, et le docteur dit qu'on appelle ça une dépression nerveuse. Le 2e compère renchérissait. « Oui, c'est comme mon petit-fils. Il a écrit sur Facebook qu'on lui avait offert un vélo pour son anniversaire et qu'il avait déjà crevé 2 fois. Maintenant, tous les matins, il trouve les 2 pneus à plat et ça coûte les yeux de la tête à ses parents en chambre à air. Tout ça !» Louvan tenta d'expliquer à ses acolytes qu'il s'agissait là d'un phénomène global, regrettable, mais inévitable. « Vous ne pouvez pas accéder à l'information » sans vous déshabiller vous-même, c'est donnant-donnant. La controverse s'éleva rapidement, les avis divergeaient totalement. D'autres consommateurs se mêlèrent à la conversation. Certains prétendaient qu'ils pouvaient se soustraire au quolibet des fans de Facebook tout en obtenant les renseignements nécessaires à leur bon fonctionnement quotidien. D'autres affirmaient avoir quitté le réseau social avant la catastrophe. Tout le monde s'accorda finalement à soutenir qu'il y en avait marre et qu'il fallait faire quelque chose. Mais personne ne savait ni quoi ni comment. On argua pour et contre Bloctel et le débat dégénéra en une joute politique ardente. Rentré chez lui, Bruno Louvent consulta son téléphone. Il dressa la liste des messages non voulus reçus en une semaine. 6 propositions de prêts immédiats. 7 tentatives d'obtenir de lui le renouvellement de contrats d'entretien de matériel dont il ne disposait pas. 4 rénovations de la tuyauterie de sa maison. 5 appels au secours financier. 2 propositions d'abonnement à des journaux dont il ignorait l'existence. 2 communiqués stipulant qu'il avait déjà gagné et qu'il pouvait doubler le gain en cliquant ici. Du point de vue statistique, on l'avait tutoyé 6 fois. On l'avait appelé « cher Bruno » 4 fois et 3 fois « cher Monsieur Louvent ». Il demeura longtemps songeur. Le problème se posait de la façon suivante. Nous avons affaire à une sorte de pieuvre, aux tentacules multiples. Elle nous épie, elle nous attend, elle devine nos gestes, nos besoins, nos souhaits. Elle nous séduit et nous dévore impitoyablement. Mais comment lui échapper ou comment lutter contre elle? Ces questions en amenèrent d'autres, plus fondamentales et plus profondes encore. Cette pieuvre appartenait-elle au monde réel ou bien n'était-elle qu'une chimère virtuelle? Se cachait-il une adresse, un nom, une entité juridique derrière cette menace engourdissante et envahissante? Bruno Louvent décida d'étudier le sujet plus en profondeur. Il chercha et trouva. Chapitre 4. Premier pas. Bruno Louvent établit minutieusement un plan d'action pratique. 1. Trouver le spécialiste. 2. Localiser l'ennemi. 3. Choisir le moment de l'action. 4. Assurer son propre anonymat. 5. Agir. 6. Contempler. Il entama ses recherches avec assiduité. L'objectif consistait à trouver un informaticien capable d'expliquer à un novice les tenants et les aboutissants de l'abrutissement collectif. Ce but atteint, on passerait aux phases suivantes. L'étape numéro 1 fut atteinte rapidement. Bernard Champollin se prétendait capable de déceler la source de tout message et de bloquer l'expéditeur. Ce consultant libre se vit invité à 3 reprises dans l'un des meilleurs restaurants de la région parisienne. Après 6 heures d'explication, son élève savait tout. Champollin se montra surpris de l'acharnement de son élève et de sa saisie rapide. « C'est pas tout le monde qui pige » commenta-t-il avec admiration. L'autre répondit, en souriant, « Quand ça m'intéresse, je pige. » On passa tout naturellement à la 2e étape de l'opération apprentissage. Bernard Champollin expliqua comment les grosses boîtes de traitement de données s'approvisionnaient sur le compte des bavards naïfs et des curieux ensorcelés. Prenez par exemple le cas de Matorche. Cette application vous permet de manier la puissance de votre lanterne et aussi d'en changer la teinte. Il y a des gens qui aiment voir l'obscurité en jaune, d'autres en vert, etc. Maintenant, regardez. Je télécharge l'application. Vous voyez, carnet d'adresse, je tape « oui ». Localisation, je tape « oui », etc. Je clique partout. Comme une andouille, je dis « oui », sans me poser de questions. Dites-moi en quoi mon carnet d'adresse a à voir avec l'intensité ou la teinte de la lumière. Bien, nous y sommes. Maintenant, je lance le logiciel. tout en parlant, Bernard Champollin avait cliqué sur son ordinateur personnel où une nouvelle fenêtre s'affichait. 10 secondes plus tard, il éteignit la torche, tourna l'écran de l'ordi vers Louvent et déclara « Veuillez consulter la liste qui s'allonge indéfiniment sur ma fenêtre. » Son interlocuteur commença à lire à voix basse et avec une anxiété croissante. Pseudo-Google, 350 kilooctets. Omnidata, 1213 kilooctets. Datapan, 808 kilooctets. Internaphone, 2880 kilooctets. Omniglobus, 997 kilooctets. Louvent regarda l'informaticien d'un œil inquiet. L'autre expliqua. Vous voyez ici la liste des organismes auxquels ma torche a envoyé toutes vos données personnelles, y compris votre emplacement actuel. Si vous cliquez sur l'un des éléments de la liste, le logiciel vous donnera tous les détails voulus sur la qualité des données fournies et le format dans lequel elles ont été transférées. Mais cela ne doit pas vous inquiéter outre mesure. La chose qui doit vous alarmer au plus haut point, nous n'en avons pas encore parlé. Nous allons procéder à une petite expérience. Vous vous souvenez que j'ai décliné votre invitation à déjeuner et que je vous ai prié de me rejoindre dans ce café cet après-midi. Louvent acquiesça d'un hochement de tête. Champollin continua. Nous trinquons cordialement au café Larome Rivoli, n'est-ce pas ? Cette chaîne de petits bistrots nous propose gentiment une connexion Wi-Fi gratuite. Donc, cherchons à nous connecter. Que vois-je ici dans la liste des réseaux, entre autres routers, plus ou moins sécurisés ? Larome Rivoli et café Larome. En apparence, bonnet blanc, blanc bonnet. Sans doute, la maison a-t-elle 2 points de communication à nous offrir. Donc, je clique sur « Café Larome » et je me connecte. Pas de mot de passe. Très bien. Maintenant, je vais faire de même sur votre smartphone. Regardez ce qui se passe dans ma petite fenêtre. On y voit maintenant ce qu'on voit sur votre téléphone. Votre écran passe point par point à Monsieur Larome. Supposons maintenant que vous ayez besoin de faire une transaction bancaire. Vous vous imaginez que bonnet blanc, blanc bonnet, et que vous êtes connecté grâce à l'amabilité de la respectable chaîne de Mastroquet. Erreur, cher monsieur. Il y a quelqu'un dans les parages qui se fait passer pour le café de la rue de Rivoli et qui espionne tous les imbéciles comme moi qui se connectent. Un beau jour, passé, présent ou futur, il piratera le compte de quelqu'un qui aura eu la malencontreuse idée d'annoncer son mot de passe, vocalement ou sous forme non masquée. Le silence se fit. Louvent se sentait accablé. Champollin souriait. Finalement, il tapa sur l'épaule du maire sortant et l'engagea à l'optimisme. « Mais tout ça n'a rien de bien grave. Souvenez-vous que ce pirate ne vous cherche pas personnellement. Il essaie d'accrocher n'importe quel imbécile de passage, et pas vous en particulier. Oh, pardon, avec un peu de circonspection et de prudence, vous ne tomberez que dans un quart des pièges que la technologie vous tend. Allons, du courage. Déconnectez-vous et n'en parlons plus. » Si dit, si fait. Il annula lui-même la connexion et rendit l'arme à son propriétaire. Ce dernier versa les 200 derniers euros fixés par le contrat et les deux hommes se séparèrent après une cordiale poignée de main. Chapitre 5. L'ennemi. Bruno Louvent employa les 3 jours suivants à déterminer l'identité de la pieuvre et à la localiser. Le plus facile consistait à accuser Google et Facebook de tous les malheurs de l'humanité. Il pensait aussi à Microsoft, mais rejeta vite la proposition, la dite société ayant tendance à perdre de son influence à une vitesse vertigineuse. Il sentait peser sur ses épaules la présence des 2 géants de l'information et de la communication sociale. Il lut 10 dizaines d'articles. Il compulsa 100 de blogs. Il s'efforçait au maximum de demeurer objectif, comme si l'objectivité existait. Il ne voulait pas forcer le texte à dire ce qu'il pensait lui-même. Une petite somme de 500 euros supplémentaires lui permit d'obtenir de Champollin un petit logiciel style Excel amélioré qui permettait de traduire des valeurs numériques et statistiques en un libellé d'appréciation d'ordre moral. Après avoir introduit toutes sortes de données touchant aux milliards de bipèdes qui passaient tous les jours par Google et Facebook, il dut se résoudre à l'évidence. Ces deux organismes tentaculaires ne pouvaient se classer dans la catégorie « nuisible », bien qu'ils aient obtenu tous les deux la note 48 sur 100 dans le logiciel de Champollion du point de vue du paramètre « moralité ». Le test s'avéra négatif. Non, ces gens-là se nourrissaient de la crédulité de l'homme, mais ne lui empoisonnaient pas la vie sans son consentement explicite. Il fallait trouver ailleurs la source implicite de la drogue. Cet ennemi se cachait-il ? Se sentait-il traqué ? Non, il ronronnait dans son coin. Il était là, bien visible et bien en chair et en os. Il le narguait en secret. Louvain comprit que son adversaire se comportait comme un organisme omniprésent, sinon omnipotent. Mais où le traquer sans pouvoir arriver à lui ? Une fois de plus, le hasard servit Bruno Louvain. Une information, en apparence anodine, le laissa bouche bée. La compagnie géante Internaphone a opéré la combinaison financière et technologique la plus osée du XXIe siècle. Elle vient d'achever la prise de contrôle d'Uniphone et de Phonero, les deux dernières compagnies cellulaires qui lui faisaient encore concurrence. Internaphone prétend que cette opération n'a qu'un caractère formel et que la concurrence entre les diverses compagnies de télécommunications continuera, comme par le passé. Le monde du journalisme et de l'analyse se montre sceptique. On parle d'un monopole colossal de la gestion d'informations et de la centralisation de données. Plus de 2000 agents européens de démarchage se trouvent depuis hier affiliés à ce monstre technologique et économique. Plus de 800 agences de traitement et d'analyse d'informations participent aujourd'hui à l'étude globale et à la compilation de milliards de données quotidiennes dans le but de nous apporter un monde meilleur et plus facile à vivre. Ainsi se résume la conférence de presse qu'ont donné les trois présidents directeurs généraux qui ont répondu aux questions des champions des médias hier soir. Louvain se souvint. Internaphone figurait sur l'écran de Champollion. L'ennemi avait donc une identité, un terrain d'action et même une adresse physique. Le consortium ne cachait pas ses objectifs futurs. Il avait pour symbole un globe entouré de petits points satellites qui en disaient long. Aujourd'hui l'Europe, demain le monde entier, après-demain le cosmos. Une semaine après cette découverte impressionnante, Bruno Louvain savait tout de la société Internaphone. Le quartier général siégeait en plein Champs-Élysées et il y avait des bureaux dans plus de 80 villes européennes. Louvain chercha le point faible et le trouva. La pépinière technologique, le centre informatique, la ferme technique de la société, résidait dans un immeuble de 3 étages situé au numéro 27 de l'avenue Gaston-Boissier à Viroflay. Internaphone organisait maintenant des visites de son centre névralgique et Bruno Louvain s'inscrivit. Pour la somme modique de 30 €, il eut droit à une visite de 3/4 d'heure à Viroflay, en plus d'un court-métrage vantant les progrès de l'échange de données entre les humains. Il dégusta un beau croissant au beurre et avala une tasse de café gracieusement offert par la détestable pieuvre. Un mois après sa première visite, il s'offrit une seconde tournée, pendant laquelle il étudia la disposition exacte des diverses branches d'activité de la maison. Il remarqua, avec satisfaction, que les consignes de sécurité se limitaient au strict minimum, comme si le monstre, trop sûr de lui, n'avait rien à craindre d'un ennemi quelconque. Bruno Louvain étudia la région à fond. Il nota les diverses routes qui lui permettaient d'accéder de Jouy-en-Josas à Viroflay. il apprit tout ce que l'on pouvait savoir sur le réseau ferroviaire et les autres moyens de transport existants dans le secteur. Chapitre 6. Une opération secrète. Bruno Louvent connaissait maintenant son ennemi juré. Il allait le frapper au cœur même de son gigantesque organisme. Le point névralgique, le point crucial, le cervelet, la moelle épinière, le coup allait porter là, impitoyable, inoubliable et définitif. La préparation dura plus de 4 mois. En premier lieu, le commando Louvent se rendit au centre commercial de la Défense. Il repéra un petit stand de vêtements de sport tenu par un monsieur d'origine asiatique indéterminée. Il acheta un survêtement de sport, des chaussettes de cycliste et une paire de baskets. Il paya comptant en petites coupures. Dans un autre établissement, semi-clandestin, il acquit 2 paires de gants et une torche électrique. Un kiosque lui fournit de longues allumettes suédoises et une pharmacie lui céda 4 boîtes de mouchoirs en papier. Un chapelier de fortune lui remit un bonnet fourré et une brosse à habits. Louvent ne se pressa pas. Il laissa faire le temps. Il revint sur le lieu de ses achats et constata avec plaisir que la plus grande partie de ses fournisseurs avait disparu, ce qui assurait son incognito en cas de recherches approfondies. Le plus difficile aspect du projet demanda beaucoup plus de réflexion et d'efforts. Notre homme loua une petite auto pour 1 mois et se promena un peu partout entre Paris et Versailles. Après 1 semaine, il trouva ce qu'il cherchait. Il nota qu'un camion-citerne alimentait une station-service tous les lundis soirs à 11h30. Il s'agissait de la première station à l'ouest du pont de Sèvres, sur la Nationale 10. Bruno Louvent chercha sur Internet et trouva tout sur le camion-citerne. Il avait noté le modèle du véhicule qui l'intéressait plus particulièrement et une simulation à droite lui en montra le fonctionnement dans tous ses détails. Il effectua des travaux pratiques dans sa petite voiture de location et se sentit d'attaque pour passer au stade final de l'opération Tentacule, comme il désignait son œuvre par devers soi. La date de l'opération fut fixée au lundi 24 décembre à 11h15. Le cher homme pensait que la nuit de Noël lui permettrait de se déplacer et d'agir sans risque de mauvaise rencontre, sous la forme des forces de l'ordre et autres démons embouteillés. Un grave dilemme se présentait à son esprit. D'un côté, il voulait conserver son anonymat, de façon à ne pas être soupçonné dans l'affaire. De l'autre, il aurait bien voulu lancer aux 4 coins du monde des avertissements dans le style « L'essence vous aiguise l'essence !»« Vive l'essence ! Vive le bon sens !»« À mort, Internaboum !» et autres slogans à l'emporte-SMS. La prudence l'emporta et il sut se taire. Le dimanche soir, Bruno Louvent se coucha tôt. Il dormit du sommeil du juste. Le soir du 24, l'opération Tentacule se mettait en branle. Tout se déroula à une vitesse vertigineuse. L'ancien maire de Jouy semblait avoir des ailes et des forces surnaturelles. À 11h exactement, il cachait sa petite voiture sous le viaduc qui supportait la ligne ferroviaire partant de la gare Saint-Lazare direction ouest. Il poussa au milieu de la Nationale 10 un énorme conteneur à roulettes qui barra le passage au camion-citerne. Le chauffeur freina sec et descendit de son véhicule pour voir ce qui se passait. Louvent surgit de derrière un pilier du viaduc et lui fracassa le crâne d'un coup de clé à molette de gros calibre. En un mouvement quasi surhumain, il enleva l'homme et le projeta, la tête la première, dans l'énorme poubelle dont il referma vivement le couvercle. Il avait l'intention de revenir chercher son auto une fois l'opération terminée. En attendant, il sauta sur le siège du conducteur du camion-citerne et enclencha la première. Il ne continua pas vers Sèvres, mais au contraire, tourna à droite sur Viroflay. À 11h29 exactement, il stoppait le lourd véhicule en face du numéro 27 de l'avenue Gaston-Boissier. Louvan examina les environs d'un regard d'aigle et embraya, tournant le volant à fond à droite tout en s'y cramponnant de toutes ses forces. Le véhicule éventra la façade du bâtiment et s'arrêta. L'homme ouvrit la portière et sauta, une grosse mallette à la main. Il l'ouvrit d'un geste brusque et en versa le contenu sur le trottoir. Avec une vélocité peu commune, il dégagea le tuyau d'approvisionnement de son support et l'introduisit dans la maison par l'une des fenêtres qu'il avait fait voler en éclats. Il revint en courant et remonta dans la cabine. Là, il actionna le mécanisme de dévidage et attendit quelques minutes. En cette nuit de réveillon, il n'y avait personne dans l'immeuble. Même le gardien de nuit titillait la dinde au marron au lieu de tenir son service. Lorsque la citerne fut aux trois quarts vide, Bruno Louvan mit le feu à une des boîtes de mouchoirs en papier qu'il avait sorties de la mallette. Il la projeta à l'intérieur du bâtiment. Le résultat ne se fit pas attendre. Des flammes de plusieurs mètres de haut s'embrasèrent et commencèrent à gratter le plafond du second étage. L'incendiaire sauta de la cabine, ôta vivement son bonnet, son survêtement et ses baskets. Il jeta le tout par la fenêtre de façon à faire disparaître toute trace de sa propre présence. Puis il sortit son portable de sa poche, le regarda avec mépris et le jeta dans les flammes du geste auguste du semeur. Sous sa tenue de sportif, il portait des vêtements de ville. Il chaussa des souliers qu'il avait apportés avec lui dans la mallette. Le froid ne le dérangeait pas. La température sur le trottoir avoisinait déjà les 40 degrés à l'ombre. La mallette et son contenu rejoignirent le reste et disparurent en un clin d'œil. 3 minutes plus tard, le camion-citerne prenait feu à son tour. Lorsque les pompiers et la police arrivèrent après minuit, il ne restait plus rien de l'empire technologique et informatique d'Internaphone, si ce n'est une odeur de plastique brûlé et des flammes de 30 mètres de haut. Les badauds se pressaient, et parmi eux, Bruno Louvan, les yeux hagards, hypnotisé devant son apothéose apocalyptique. Épilogue. Un vibrement du portable éveilla Bruno Louvan de son profond sommeil. Il ouvrit un œil et, machinalement, consulta l'affichage. Conférence de presse d'Internaphone ce soir. Cliquez ici. Louvan cliqua. L'article suivant l'étonna. Internaphone s'impose à l'univers. L'accord d'achat de Phonafrique sera signé ce soir, 24 décembre, dans les locaux de la société, avenue des Champs-Élysées. Cette signature assure à Internaphone le contrôle absolu du marché des télécommunications de l'Afrique du Nord et de tous les pays africains, traditionnellement francophones. Une sueur froide parcourut le dos de Bruno Louvan. Comment son portable se trouvait-il sur la table de nuit, alors qu'il l'avait jeté dans les flammes quelques heures plus tôt? Il avait assez de bon sens pour comprendre. D'ailleurs, la date du message ne se trompait pas. 23 décembre. Il se remettait à peine de sa désillusion qu'un second message arrivait. « Bruno, tu veux 500 litres de mazout à 1 euro le litre? Clique ici !» Illustration musicale Business Plan de Pascal Krieg. Édité par Musique Libre CC. Distribué sous licence Creative Commons BY-NC-ND. Site musiquelibre-cc.fr.